بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الجمعة le sous-chapitre concernant الجمعة ورأينا بالأمس أن من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة يشرع له أن يركع ركعتين قبل أن يجلس. On a vu hier que l'individu qui rentre à la mosquée alors que l'imam fait son discours du vendredi, alors il a légiféré à cet individu de faire deux unités de prière avant de s'asseoir. Il a légiféré à cet individu de faire deux unités de prière avant de s'asseoir. وذلك لما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين. Et ceci en se basant sur le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qui dit qu'un homme est venu, c'est-à-dire qu'il est venu à la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le discours du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme, est-ce que tu as prié? L'homme, il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, lève-toi et fais deux unités. Zakara ahlul ilmi, أنه يستفاد من هذا الحديث أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. Les gens de science ont cité qu'on comprend de ce hadith que la prière de salutation de la mosquée, la prière de salutation de la mosquée n'est pas annulée par le fait que la personne se soit assise. أي لو أن المرء دخل المسجد ونسي تحية المسجد ثم تذكر بعد أن جلس فله أن يقوم من جلوسه ويركع ركعتين. C'est-à-dire que l'individu qui rentre à la mosquée et qui oublie de faire تحية المسجد, il rentre à la mosquée et ensuite il y a un cours, il se pose, il oublie de faire تحية المسجد et ensuite il se rappelle. Il se rappelle qu'il n'a pas fait tahiyat al-masjid. Alors là, il ne va pas se dire, ah mince, je me suis déjà assis, ma'alish, khalas, c'est bon, tahiyat al-masjid, c'est passé. On va lui dire, non, tu peux te lever et faire tahiyat al-masjid, inshallah ta'ala. Tu peux te lever et faire la prière de salutation de la mosquée, inshallah ta'ala. Wa kadhalika yustafadu min al-hadith. Anna al-imam له أن يكلم بعض المأمومين وهم يكلمونه أثناء الخطبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. Et aussi, parmi les leçons qu'on peut tirer de ce hadith, que l'imam, il peut, si besoin est, il peut donc parler à certaines personnes donc, qui sont venues prier avec lui pendant la khutbah. Pendant la khutba, l'imam peut s'adresser à certaines personnes et ces personnes lui parlent. S'il y a un besoin en cela. وكذلك يستفاد أيضا أو لنقول استدل بعض العلماء بهذا الحديث وما في معناه على أن تحية المسجد واجبة. Et certains savants se sont appuyés sur ce hadith et les autres hadiths qui vont dans le même sens pour dire que la prière tahiyyat al-masjid, la prière de salutation de la mosquée, est obligatoire. Ils disent qu'elle est obligatoire. وقد تكلمنا عن هذه المسألة في دروس قد مضت وبينا أن الراجح فيها أن تحية المسجد سنة والله أعلم. Et certes, on a déjà abordé ce sujet dans des cours précédents et on a expliqué que l'avis le plus juste dans ce sujet, dans cette affaire, est que la prière de salutation de la mosquée n'est pas obligatoire, wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Et on avait stipulé que cet avis est l'avis de al-jumhur, la majorité des savants. وذلك لما ورد من الأحاديث أن بعض الصحابة دخلوا المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنهم صلوا تحية المسجد ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وأمرهم بالقيام للصلاة والله أعلم. Et bien entendu cela, en se basant sur le fait qu'il a été rapporté plusieurs hadiths de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rentrés dans la mosquée en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont assis sans qu'il n'ait été rapporté qu'ils ont fait tahiyat al-masjid avant cela. Il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés, leur a fait le reproche et leur a ordonné de se lever pour accomplir tahiyyat al-masjid. Et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant. Donc la vie le plus juste, inshallah ta'ala, wallahu alam, est que cette prière n'est pas obligatoire, tahiyyat al-masjid. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت إذا قلت لصاحبك أنصت واليوم الجمعة والإمام يخطب فَقَدْ لَغَوْتِ. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit, il a été rapporté, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si tu dis à ton compagnon, tais-toi le jour du vendredi, silence, c'est-à-dire donc, ensuite, sois silencieux et écoute. Si tu lui dis ça le jour du vendredi, alors que l'imam fait son discours, alors certes, tu auras prononcé une parole vaine. هذا الحديث فيه خطر الكلام يوم الجمعة. Il y a dans ce hadith le danger quant au fait de parler le jour du vendredi, durant le discours de l'imam. وَهَذَا فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Cela c'est dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Une personne qui est en train de parler, يَوْمَ الْجُمُعَةِ, elle fait du mal. Si tu lui dis de se taire, certes tu as fait une parole vaine. Tu as prononcé une parole vaine. Et donc cela nous montre le danger quant au fait de parler alors que l'imam fait son discours. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. فهو كالحمار يحمل أسفارا. والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. Il a été rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui parle le jour du vendredi alors que l'imam il prononce son discours, il fait son discours, alors il est comme l'âne qui porte des livres. L'âne qui porte des livres, qu'est-ce qu'il fait avec les livres? Est-ce qu'il en profite? Il n'en profite pas. Et donc cette personne ne profite pas de cette khutba, de ce discours. Et ensuite il continue sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui va lui dire tais-toi et écoute, sois silencieux, alors il n'a pas de jumu'ah. Qalatil ulama ayla jumu'ata kamila. Les savants, ils disent, ce qui est voulu par là, il n'a pas de jumu'ah. Il n'a pas de jumu'ah complet. Son jumu'ah n'est pas complet. Wa hadha yadulluna ayyuhal ikhwa ala ahammiyati al-istima'i ila kalam al-imam. Cela nous montre, ô mes frères, l'importance quant au fait d'écouter ce que dit l'imam le vendredi. Fa ba'd an-nas la yahduruna min ad-durus illa hadhihi al-khutba yawm al-jumu'ah. ومع ذلك تجدهم لا يركزون في كلام الإمام. Certaines personnes, ils n'assistent à aucun cours en dehors de cette khutba du vendredi. Certaines personnes n'assistent à aucun cours en dehors de cette khutba le jour du vendredi. Toute la semaine, ils sont concentrés dans les sujets mondains, dunya, etc. Et ils n'assistent qu'à ce cours-là, qu'à cette assise. Et malgré ça, tu vas les voir, pendant cette assise, ils ne sont pas concentrés sur la parole de, sur ce que dit l'imam. وقد اختلف أهل العلم هل الكلام يوم الجمعة أثناء الخطبة حرام أو مكروه. Et certes, les gens de science ont divergé. Est-ce que le fait de parler le jour du vendredi pendant la khutba, est-ce que cela est interdit ou détestable? ورجح الشيخ النجمي رحمه الله القول بالتحريم لحديث الباب وما جاء في معناه. Et certes, le cheikh Ahmed Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a jugé que la vie le plus juste est que cela est interdit. Il est interdit de parler alors que l'imam fait son discours le jour du vendredi. Il est interdit de parler. Et ce, en se basant sur le hadith qu'on étudie donc aujourd'hui et sur les autres hadiths qui vont dans le même sens. وقد اختلف العلماء ايضا في رد السلام وتشميت العاطس والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر والتامين على الدعاء. Et certes, les savants ont divergé concernant le fait de répondre au salam. Une personne rentre à la mosquée, l'imam est en train de faire la khutba. La personne, elle te reconnaît, elle te regarde, t'es assis. Elle te dit assalamu alaikum. Est-ce que tu réponds au salam ou pas? Les savants ont aussi divergé concernant tashmitul atis, le fait de donc d'invoquer pour celui qui a éternué et qui a loué Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tu vas lui dire yarhamukallah? Les savants, ils ont aussi divergé concernant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est cité durant la khutbah. L'imam, il fait son discours, il va citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que toi, tu vas invoquer en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les savants ont aussi divergé concernant ta'min, l'imam qui va invoquer durant la khutbah. Est-ce que toi, tu vas dire amin? Fa amma salam, أما السلام فقال الإمام ابن باز رحمه الله بأن المؤمن لا يرد السلام إلا بالإشارة باليد ولا يتكلم. En ce qui concerne le fait de répondre au salam, alors l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il dit que le croyant, il ne répond pas au salam le jour du vendredi alors que l'imam fait son discours. Le croyant ne répond pas au salam, ou alors il ne répond au salam que par la main. Mais il ne parle pas. Il ne parle pas. وَلَوْ مَدَّ الْأَخَرُ يَدَهُ مَدَّ يَدَهُ أَيْضًا وَلَا يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ. Et il dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah, et si la personne qui vient, elle te tend la main, donc pour te saluer, elle te tend la main, alors tu lui tends la main, mais tu ne parles pas, tu ne prononces rien du tout, tu écoutes la khutbah. وَأَمَّا تَشْمِيتُ الْعَاتِسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يُشْرَعُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ. Et en ce qui concerne le fait, donc, d'invoquer en faveur de celui qui a été annué, tashmituhu, le fait de dire يَرْحَمُكَ اللَّهِ, alors il a dit, rahimahullah, il a dit le Cheikh Ibn Baz, que cela n'est pas légiféré durant la khutbah de la même façon que cela n'est pas légiféré durant la prière. Lorsque tu pries et que quelqu'un éternue et que la personne dit Alhamdulillah, pendant la prière, tu ne vas pas dire Yarhamukallah. Wa qad ajaza al-imam Ibn Baz as-salata 'ala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam athna al-khutbati li amri an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam al-muslimin bis-salati 'alayhi idha dhukir. Et certes, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a cité donc qu'il est permis donc de faire l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la khutbah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les musulmans d'invoquer pour lui, de faire as-salatu alayhi lorsque lui il est cité. Cité sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela peut être fait, la personne elle peut le faire en elle-même. La personne peut le faire en elle-même. De la même façon que ta'min. Et ta'min, le fait de dire amin à l'invocation de l'imam, Cheikh Ibn Baz, il dit la personne, yu'amminu fi nafsihi. La personne va faire le ta'min, elle va dire amin en elle-même, elle ne va pas le prononcer. On va dire la même chose pour as-salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire la même chose aussi. وأما ما يكثر في هذه الأزمنة أن الناس يرفعون أصواتهم بالتأمين ويرفعون أيديهم فهذا لا يشرع. En ce qui concerne ce qu'on voit souvent à notre époque, le fait que les gens ils vont élever la voix pour dire Amin ensemble, lorsque l'imam invoque, ils vont lever les mains pour dire Amin, ça c'est pas légiféré ça. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne l'a pas fait, les compagnons non plus. La voix de qui est-ce que nous devons suivre? Est-ce que c'est la voix du prophète صلى الله عليه وسلم et la voix de ses compagnons ou la voix d'autres personnes? Ils ne l'ont pas fait, pourquoi est-ce qu'on va le faire? وكذلك من الأمور التي ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر رفع اليدين قام به النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. Et aussi parmi les éléments qu'il faut savoir, c'est que le fait de lever les deux mains, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait lors de la demande de la pluie, l'invocation, la demande de la pluie. C'est à ce moment-là qu'il a levé les mains. Mais c'est pas pour toutes les invocations qu'il lève les mains. Qu'il levait les mains sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous n'allons lever les mains que pour les causes légiférées, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.